Amen. Amen. Nous inclinons nos têtes. Uta inamishabichwa yetu. Dieu, notre Père, Mungu Baba yetu, te disons grandement merci. Tunasema asante mkubwa. Pour beaucoup de faveurs spirituelles et matérielles dont nous sommes bénéficiaires. Kwa mafaida yote tulifaidia mkiro na mwili. Et nous ne savons pas les énumérer. Na atutaweza kwanza mitaya. Mais nous reconnaissons tout simplement. Lakini tunatambua tu. Ce n'est pas sur base d'un mérite quelconque. Aina kusema tulistahili. Mais c'est ta grâce. Lakini ni kwa neema tu yako. C'est toi qui nous as ouvert l'esprit. Ni wewe ndio tufungula roho. Et c'est toi qui nous as convaincus. Na ni wewe ndio ulituhakikishia. Tout cela dans un seul but. Ile yote mkifukuzio moya. De nous faire tirer profit de l'œuvre du calvaire. Ya kufanya tupate kufaidia ile kazi ya Calvario. Nous voici rassemblés maintenant. Sasa shaba tunakusanyika. Dans les noms le plus élevé, Mujina ya juu kabisa, le bon nom, jina mzuri, le nom grand, jina mkubwa, et au devant de quel tous les esprits s'inclinent, na mbele ya jina maro yote kuna inama. Dans ce nom là Seigneur, Mujina Bwana, nous sommes l'objet de ton bon plaisir. Tie ndio shina ya kutaka kuzuri. Seigneur Jésus-Christ, Christ, viens toi-même conduire ces cultes. Mets-moi à l'écart. Parle toi-même à nos cœurs. Et ferme nos esprits à de vaines choses. Et que tout ce que nous sommes soit attentif seulement à ce que l'Esprit dira. Parce que seul le Saint-Esprit a des paroles de vie, des paroles de consolation, d'édification et de perfectionnement. Fais-le Seigneur, même en faveur des frères et des sœurs qui suivront cette prédication en ligne. Que le même Saint-Esprit puisse nous couvrir de son ombre et qu'il produise la foi véritable en nous. Le demandons avec foi, croyant que tu le feras, parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous prenons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 17. Parce que tu dis, sababu kuna sema, je suis riche, niko mtajiri, je me suis enrichi, nesha tajirika, et je n'ai besoin de rien, na sihitaji tena kitu, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, na sababu haujua sema uko haoli, misérable, mnyonge, pauvre, mashikini, aveugle, pofu, et nu, na mutupu. Pouvez vous asseoir. Noezi kal. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Bwana abariki sehemu ya andiko. Dans notre petite introduction d'hier, mukingilio yetu kidogo jana, nous avions mis beaucoup d'accent, tulitia mkazo kabisa, sur l'esprit dominant de l'âge de la Odyssée. Yulu ya hiyo unatawala mkizazi cha Laodikia. C'est un esprit d'orgueil. Niro ya kiburi. Un esprit de prétention. Ro ya kujizania. Un esprit de vantardise. Niro ya batu ba kujitapa kujisifu kila bana nacho. Est-ce que nos techniciens peuvent bien gérer la voix de, du traducteur d'anglais? Afundi, mnaweza kutengeneza sauti ya mtafsiri wa Kiingereza. C'est un âge trompeur. Nikizazi kwa danganifu. Un âge de la haute séduction. Kizazi kwa utongozi wa juu kabisa. Mais Dieu a voulu que toi et moi, nous puissions être le contemporain de, dans cet âge. Lakini Mungu alipenda na mimi tupate kuwa mwikizazi. Maintenant, regardez, frère. Ça, zameni ndugu. En mettant l'accent sur l'orgueil, utia mkazo kabisa yule kiburi. Nous avons été conduits à dire une chose, tuliongozwa kusema kitu kimoya. Que observer même nos assemblées, tazameni hata makutano yetu. Non seulement que nous affichons de l'orgueil vis-à-vis des dénominations, ke kiburi akionyeshe tu pa kwa madhehebu. Non seulement vis-à-vis des fausses doctrines, des assemblées des fausses doctrines, mais l'orgueil, notre orgueil va même très loin. Nous commençons à regarder nos assemblées sœurs, nous commençons à nous croire être trop spirituels, que telle assemblée de tel lieu, telle assemblée de tel lieu. Na tunaanza kujanao kusema ukubakiro sana kushindia makutano yetu ya flash fulani na flash fulani na flash fulani. Comme si nous sommes déjà arrivés. Utaona sasa si tunaisha taufika. Non seulement cela. Aina paka hili. L'orgueil, l'esprit dominant de cet âge qui est l'orgueil. Ile roho iko na tawala kizazi ilikuwa kiburi. Nous amène même à regarder par rapport à regarder nos frères et nos sœurs dans l'assemblée. Inaanza kutupeleka kuangalia hata banduku na badada mu makutano hapa hali. Si bien que atakusema nous perdons de vue que nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes. Tunakosa kutambua kusema tunapaswa kujiangalisha sisi wenyewe. Et là c'est une très grosse erreur. Na ile ni kosa mkubwa kabisa. Une très grosse erreur. Nkosa mkubwa kabisa. Ces esprits dominants imaro na tawala tirent leur origine de Satan. Inatokea ni kwa shetani. De Lucifer. Pa Lucifer. Non seulement cela. Aina pa kaili. Ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. Aina kwa kubatisha nduku dada. Que Dieu yo Mungu a typifié cet âge avec la vieille église locale de l'ancienne Turquie. Na ile kanisa zamani ya Turquie zamani. De la ville de Laodicée. Ya mumuji ya Laodicea. Pour faire allusion à la ville de Laodicée. Ninju ya kuangalia kumuji ya Laodicea. C'était une ville, pour ceux qui ne le savent pas. Une ville métropole. Comme on a l'habitude d'appeler une mégapole. C'est-à-dire une grande ville. Une ville mère. C'est-à-dire qui est le siège de beaucoup de choses. Njo mule munafikia mabitu ya mingi mingi. Njo mule munanzia le siège des grandes religions. Munanzia madini ya mingi. Le siège des grands partis politiques. Njo munanzia masiasa mkubwa. Le siège de la culture. Njo munanzia ata culture. Un peu comme nous avons Kinshasa, Tokyo et toutes ces grandes capitales. Na vitu kuna Kinshasa, Tokyo, mamiji mkubwa. Voyez même les habitants de ces grandes métropoles. Mangari atabakati bamule bamiji mkubwa. Même quand ils viennent à l'intérieur, ils nous regardent comme ça. Ils croient que nous ne valons rien. Parce qu'eux vivent à Kinshasa. Ils vivent à Johannesburg. Ils vivent à Cape Town. Ils vivent à Dubaï. Ils considèrent que nous, nous sommes des sous-hommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des hommes comme eux. Eux connaissent tout. Amen. Eux connaissent tout. Et nous sommes des arriérés. C'est une grosse erreur, ça. Et cette histoire, cet esprit-là, vous allez le retrouver même parmi les prédicateurs. Il suffit que quelqu'un vienne de Kinshasa. Il croit qu'il est au-dessus de tous les prédicateurs ou des pasteurs qu'il trouve au Katanga ici. Je ne dis pas que c'est tous. Mais naturellement, ils sont comme ça. Ils croient qu'ils sont donneurs de leçons. C'est eux qui voient la chose de la bonne manière. Et c'est de là d'où viennent ces esprits-là. C'est ainsi que vous allez remarquer, même la Odyssée, la vieille ville qui n'existe plus, les gens étaient comme ça. C'est ainsi que vous avez vu le Saint-Esprit dans sa sagesse. A vu que c'est cet esprit qui régnera à la fin. Sera des gens qui se font passer pour quelque chose qui ne sont pas. Comme s'ils sont quelque chose et pourtant ils ne sont pas. Et c'est souvent, Namaraming, même cet esprit n'est pas resté seulement dans le monde. Cet esprit a atteint même les véritables assemblées. Quand vous prenez ce qui se fait naturellement, voyez sa correspondance dans le spirituel. Nous apportons ces éléments pourquoi? C'est pour t'épargner, toi mon frère et toi ma soeur, de tomber dans l'influence de ces esprits-là. Et commencer à te comparer aux autres, te croire être quelque chose, te croire être trop spirituel, te croire être quelqu'un spirituellement par rapport aux autres, et tu perds de vue qu'il faut d'abord largement ouvrir tes yeux sur ta propre foi, sur ta propre condition spirituelle. Et hier je disais ceci: quand quelqu'un se concentre sur sa condition, le Saint-Esprit lui viendra en aide. Et tu verras que le Saint-Esprit révélera la gravité de ton état, l'état dangereux dans lequel tu te trouves, et cela fera que tu vas la clore une fois pour toutes ta bouche. Et tu vas fermer tes yeux quant aux autres, même aux autres assemblées. Et tu seras très préoccupé, très soucieux de faire d'abord le nettoyage de ta foi, de ta conduite. Et ce sera ça la bonne manière d'agir en tant que chrétien. C'est malheureux, frère. Quand vous lisez même l'Écriture, reprenons Apocalypse 3. Apocalypse 3. Vous pouvez le prendre de 14 jusqu'à 22. Et vous, c'est comme je l'ai mentionné hier. Vous allez constater que c'est le seul âge où Dieu ne révèle rien de bon. Le bilan est largement négatif. Mais ce que Dieu, le Saint-Esprit, épingle, c'est quoi? Le Saint-Esprit reprend l'église de Laodicée. Comment? Verset 15. Je connais tes œuvres. Et quelles sont ses œuvres? Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. C'est-à-dire, je connais ta condition. Quelle est cette condition? Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Et Dieu conseille, puisses-tu être froid ou bouillant? Ce sont des gens sans position. C'est un âge d'une complaisance terrible. Ah. Ni bantu ba michezo sana. Ce sont des gens des complaisants. Un laisser aller dans les choses spirituelles. Frère, quand nous lisons, faites de ces choses une application à votre propre vie ou à votre propre foi. Considère que le Saint-Esprit s'adresse à toi. Pour te dire, quand Dieu te regarde dans ton état, Dieu considère que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède dans les choses de Dieu. Et avançons. Ainsi, verset 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est l'âge où Dieu rejettera beaucoup de membres d'église. Je ne parle pas de dénomination ou de nos assemblées de fausses doctrines. Ceci nous concerne, nous qui sommes ici. Dieu en rejettera beaucoup. Pourquoi? Par ce manque de fermeté dans les choses de Dieu. Et vous trouvez des gens qui se plaisent seulement à être là. Et pourtant, la seule raison fondamentale pour laquelle nous sommes là, c'est seulement pour nous attacher à ce que l'Esprit dira. Mais tu vas trouver des gens. Frère, je m'excuse, je suis quand même. Je fais l'office d'ancien dans cette assemblée. Vous allez trouver des sœurs et des frères. Très préoccupés, tout simplement, à réintégrer l'assemblée. Surtout quand il a fauté. Et quand vous échangez avec lui ou elle, la réconciliation avec le Seigneur est le cadet de son souci. Il ne s'en préoccupe pas. Pour lui, c'est redevenir encore membre parmi nous. Et il se plaît de cette chaleur-là, de cette fraternité, comme si ce message est venu tout simplement apporter la fraternité. Amen. Vous trouvez de nos sœurs, elles font tout d'une bonne sœur, dans les soucis profonds de trouver un mariage. C'est fini. Voyez-la après le mariage. C'est une païenne qui ne fait aucun cas de la parole de Dieu. Vous voyez de nos frères, très soucieux tout simplement d'être connu, d'avoir une bonne influence, une bonne réputation dans toutes les familles afin de se trouver une bonne soeur. C'est tout. Et ça, c'est très grave. C'est comme ça que vous allez comprendre que c'est ça la tiédeur dont le Saint-Esprit parle dans Apocalypse. Parce qu'en soi, ce message, frère, nous chantons, nous crions, c'est le retour à l'Écriture. Mais le retour à l'Écriture, qui doit revenir à la parole? C'est toi et moi. En soi, l'objectif du message, c'est d'amener chaque frère et chaque sœur à se lier à la parole de Dieu, à vivre de la parole de Dieu, à agir sur base de la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. Et la parole, qui est Christ lui-même. Je poursuis la lecture. Verset 17. Parce que tu dis, observez. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui déclare ça. Ça, ce sont ta propre confession. Ce sont tes propres éloges. Alors que nous sommes ici, il n'y a que le Seigneur qui peut éloger quelqu'un. Même pas moi, même pas Ngoï, même pas les diacres. Frère, nous devons être très vigilants. Nous devons être non seulement vigilants, nous devons être très sévères avec nous-mêmes. Ne recevez pas trop de flatteries. Nous vivons un âge de la flatterie. Et vous allez observer, même dans nos échanges, c'est de la flatterie qui domine. Alors que, en soi, ce n'est pas ça. Observez que ça, ce sont les déclarations des croyants eux-mêmes. Je suis riche, je ne manque de rien, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi. C'est l'état d'une autosatisfaction. Il est vraiment satisfait de ce qu'il alors que comme Mungu yana mwangaria, quand Dieu te regarde, ni muntu mashikini na muntu wa ole sana. Un pauvre et un malheureux. Ça se doit amener un examen de conscience de chacun de nous. Il n'a pas supérieur que la muntu a pas kofikili. Un examen approfondi de notre machunguzo kabisa ya imani yetu. Et ces esprits, c'est comme je voulais mentionner au début. Quand vous allez dans toutes les capitales du monde, les gens se croient être arrivés. Et connaissent tout. Et ceux sont au-dessus de tout. Et sont quelque chose. C'est souvent comme ça. Zahidi, et ce sont ces esprits des grandes capitales, de toutes ces grandes mégapoles, ces esprits-là ont comme règne en ces temps de la fin. Pas dehors chez les catholiques, mais ici, commençant par la chair jusqu'au banc, au dernier. C'est pourquoi et moi, Nami, et toi, Naoui, veillons. Parce que le Saint-Esprit ne dit pas, sauf les prédicateurs, sauf les officiants. Observez, remarquez l'appellation frère. Angara vile nanza tufujo. Ça commence avec des désordres. Vous trouvez aussi de ces prédicateurs. Non, l'appeler frère, Mouitandu. C'est comme si vous l'avez diminué. C'est bien bon. N'est-ce pas, c'est faux. Est-ce que nous ne sommes pas des frères? Atuna banduku. Sommes des frères? Tu banduku. Sommes des frères? Tu banduku. Vous, quand vous sondez la chose, vous trouvez certains dans le fin fond là, ça les a orgueillis. Et maintenant, ils sont convaincus de descendre de quelque part vers le bas. Mais un véritable enfant de Dieu, quand on l'appelle frère, je ne fais pas de ça un problème parce que je le suis. La Bible dit, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous n'irons pas au ciel en tant que des pasteurs ou des diacres. C'est en tant que des frères, en tant que des sœurs, en tant que des croyants. Amen. Amen. C'est un âge où l'orgueil a atteint son comble. Les gens veulent toujours étaler ce qu'ils sont. C'est tout ça la caractéristique. Non, se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Il y a une écriture dans la Bible. Prenez Proverbe. Proverbe 13. Proverbe 13. Proverbe 13. Verset 7. Tel fait le riche. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Mais tel fait le pauvre et a de grands biens. Voyez, alors qu'en réalité, tu n'as rien. Mais où est-ce qu'on a fait ça? Mais il est rempli de biens, il se cache. C'est un âge où les gens, Mikizazi, en majorité, bamingi, font le riche benapeno, tifo, batajiri, spirituellement alors kuro, qu'ils n'ont rien. Japo, le verdict est très dangereux. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, et tu ne le sais pas. Kumuisho, bana, umubaya, kabisa, non, mou, décision à mouisho à mung. Mouisho, constat à mung. Dernier constat. Et voilà, c'est ma main. Tu t'es dit que tu es riche. Tu es enrichi. Tu n'as besoin de rien. Alors qu'en réalité, et pourtant, tu n'as rien. C'est un état très grave. Quand quelqu'un n'a rien et qu'il est nu, mais il ne comprend pas qu'il est malheureux, qu'il est pauvre, il est misérable. On a un misérable. Ouais, peut-être pauvre sa voix. Maskini, misérable. Mutu, c'est-à-dire que maskini wangufu sana. Tu es pauvre à l'extrême. Et quand Dieu regarde l'église de l'Odyssée, c'est-à-dire la condition dans laquelle nous trouvons. Nous sommes des misérables. Frère, un misérable, Mutu, waoli, s'il comprend qu'il est misérable, kama, anilor, il va tendre la main. Il va chercher. Atatafuta. Mais quand quelqu'un est misérable, il ne se rend pas compte. Na c'est comme je l'ai mentionné hier. C'est que sa conscience est morte. C'est vraiment un fou. Ni mutu tu mwenda bazimu. Il a perdu la mémoire. Il ne se connaît même pas. Ashijijue. Amen. Amen. Tu fais les riches, mais en réalité, tu n'es rien. Et observez, c'est l'esprit qui gagne du terrain, même dans nos assemblées. Les gens veulent toujours se mettre en vedette. Mais nous, on n'a pas de ciel à te donner. On a mis la marque d'approbation pour dire que maintenant tu es arrivé. On n'a rien. Même quand j'aurais approuvé et dire que vraiment tu es une bonne sœur, tu es un bon frère, que cela ne te rassure pas. Amen. Même si ton pasteur te dit vraiment tu es un croyant, tu es un bon croyant, que cela ne te sécurise pas. Toi, cherche à sonder davantage, à creuser encore pour avoir l'approbation divine. Amen. C'est un âge compliqué, je vous dis. Quand quelqu'un comprend les dangers dans lesquels nous nous retrouvons, nous nous tairons tous, chacun rentrera sur soi-même et examinera ses propres voies. Et se taire, avancer silencieusement. La Bible dit ceci. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a des parties à chacun. Muzuri kufuatana na kimo ile kila Mungu alikabula kila mmoja wetu. Une autre opinion, on ne sait quoi yulu. Tu crois que tu es vraiment supérieur. On ne répandisse tellement. Tu t'élèves. Alors que Mungu yashi ashikupandisha. Et pourtant Dieu ne te voit pas comme ça. Selon la grâce que le Saint-Esprit a donnée à Paul, Paul, après beaucoup d'expériences dans la foi, il dit, je vous conseille de ne pas avoir une haute opinion de vous-même, mais revêtez des sentiments modestes. C'est-à-dire, parce que tout le monde moya, ou qui fait tout quoi pour ripandisha, tu veux seulement te faire voir, ma démon na kubamba, les démons vont te saisir. Ou qui fait tout quoi ça, si tu veux seulement danser et apparaître, les démons vont te saisir. Amen. Amen. Ou qui fait tout quoi ça pour toquer là les premiers, apparaître par la quoi ça, les démons vont te saisir. Ou qui fait tout ça mes pasteurs pas qu'un youwe, et le pasteur pour te connaître, les démons vont te saisir. Parce que vous savez, quand quelqu'un a une haute opinion de lui, il regarde tout le monde comme ça. Vous savez, c'est tout. Il est tellement rempli d'orgueil, et tu ne sauras pas le rabaisser. Tu ne sais pas le réduire. Galate dit, parle bien lui, il dit ceci. Galate chapitre 6. Galate 6. Verset 23. Galates 6. Galatia soit cassé. Galates chapitre 6. Galatia soit cassé. Verset 3. Nous sommes à tout. Si quelqu'un pense être quelque chose, Kamamutu anejania sema eko kitumwa fulani. Unaruwazia ukunejizania kusema niko que je suis. Quoi qu'il ne soit rien. Atavile anakintu. C'est-à-dire toi tu crois que tu es quelque chose. Unaruwazia sema ukoko fash fulani. Je suis déjà né de nouveau. Minechazari koma na pili. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Demandez à l'ancien, demandez au pasteur. Je lui avais raconté mon expérience. Unjule nufanyaka. Arishangaka. Et le pasteur était étonné. Il a dit certainement ça c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dans cet âge. Il a dit tel frère a reçu le Saint-Esprit. Mais après 65. L'homme en question est devenu Branham Dieu. Mais lui, prophète, mais a dit que non, le frère tel a reçu le Saint-Esprit. C'est Sotman. Tous ces vétérans-là. Nah, baba, kuba, kuba, frère Branham avait témoigné sur eux de manière positive. Mais après ça, mais frère, ils sont tombés dans une apostasie terrible. Si tu penses que tu es quelque chose et Dieu dit toi que tu n'es rien, tu te causes du tort. Il ne faut pas avoir des prétentions. Alors, allez au Mungu de Dieu, même Moussiri, Dieu qui puisse te confirmer que tu m'appartiens et tu verras Mungu Moussiri, lorsque Dieu te donne l'approbation même dans les secrets, tu seras un homme humble et reticent. C'est ça le Saint-Esprit. Et si toi, toi les expériences que tu as faites, ça veut dire que tu puisses apparaître, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, à Galate, 1 Jean chapitre 3. Nous allons rentrer Galate, prenons d'abord 1 Jean 3. Est-ce que c'est là-bas? Attendez, je cherche cette écriture-là. Troisième Jean, pas 1 Jean 3. Non. Yohanno Atat. Est-ce que... Attendez. C'est où il est parlé de Diotrephe. Troisième Jean, quel verset? Hein? Très bien. Oh, je suis à deuxième Jean, je m'excuse. Troisième Jean, chapitre, c'est l'unique chapitre. Verset 9. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Troisième Jean, l'unique chapitre là. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être premier, disait, qui aime à être premier parmi eux. Mais le messager écrit. Le Saint-Esprit écrit à l'église. Mais il y a un homme, lui veut être seulement le premier. Mais l'esprit a kutokela ni ashetani. L'esprit de végétaria. Adam kufwa loko na fia pa kutokele. Même dans l'accouchement, tu veux te faire vedette. Sœur, Dada, frère, Nduku, tu es saisi déjà par un esprit. Unesha kubamba. Vous êtes d'accord? Et tu m'as écouté. Ba Mungu, ceux qui sont des dieux, ba Christ, mukila kizazi, dans chaque âge, ba nekalaka bantu ba kushuka, ce sont des gens abapenda kata bantu ba baone sana. Être, apparaître même comme on a tout coupé, lorsque vous voyez quelqu'un agité, tu vas être remarqué, ba kuyue, que tu sois connu, qu'on puisse parler de toi. Cet esprit-là ne vient pas de Christ. Le Saint-Esprit en parle pour épargner les véritables enfants de Dieu. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Donc, frère, dans l'église, tu dois d'abord connaître Diotrephe. Il était remarquable. Retournons dans Galates. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la où nous devons nous taire, que chacun de nous puisse travailler sur son sali. Être vedette dans toute l'église. C'est très dangereux. Il est niatari kabisa. Verset 3. Galates 6. Galatia 6. Si quelqu'un pense être quelque chose, moi, j'ai un niveau. Ma soeur, avec qui je dois marcher, c'est tel et tel. Ma catégorie, ma soeur, une liste des sœurs de ton niveau. Naba frère, balé wé onezi ku fréquenter. Que toi tu peux fréquenter, balé onezi tembeler. Jokule bako batoto banapashi normalement kwendaka. C'est là que tu dois envoyer normalement tes enfants. I ma niveau ingine bango batoto abesi kwendo. Moi mes niveaux ne peuvent pas aller, mes enfants ne peuvent pas aller là-bas. Vous voyez? Ces choses sont cachées dans des cœurs. Bide sa fucha mama mioyo. Dans des cœurs. Dans les mioyo. Il y a des couples Kuko Mandoa, que toi majama, et ta femme, nabibiaku, selon le répertoire que vous êtes établi, c'est là tes fréquentations. Donc, je parle de ta tembelea. Mais les autres, mais carnet noir, carnet rouge. Carnet noir, carnet rouge. Combien connaissent la sœur? Non, Zangarengaria. Mumu salimie. Est-ce que vous la saluez? Ça dit, laissez pour le compte. Eh, moitié ou le mungambo. Amen. Dado yanama nakuya sasa memba yetu. Elle est devenue notre membre. Mumu angari, ugu nangari. Vous la regardez, tu jettes des regards comme ça. Garase, il ressemble à quoi? Afana nani ni uyu. Il vient de Lubumbashi. Antoine Lubumbashi. Ok. Nasema mais il ne vaut rien. Il dit ah non. Par rapport à moi. Faut attendre à mi. Que chacun verset 4 Iné. Examine ses propres œuvres. Qu'il a mutu à part kuangarishisha matendo yake. Ni wakati. Où chaque frère. Il est qu'il a nous. Chaque sœur. Qu'il a dada. Commençant par moi qui parle. Kwa papa mi unasema. Je dois d'abord examiner ma condition. Kuangarishisha aliang. Et plus j'examine ma condition, Pénible, je ne serai pas terminé. Pourquoi le Saint-Esprit veut ça? C'est pour que vous ne vous occupez pas des conditions des autres. Frère, par expérience, hein, quand tu commences à t'occuper beaucoup de ta foi, le Saint-Esprit aggravera la chose. Et la suite, c'est quoi? Il est ta foi, tu verras que Bantu Bengine Banini. Non, forcément, les autres te dépassent. Bamungu Mubengo n'a ce qu'il est. Ils sont en train de comprendre ce que j'ai dit. Autant, tu te diras. Situation Nguigu Mubaya. Mon état est vraiment critique. Bon embarik. Que Seigneur bénisse. Verset 5. Car chacun portera sa propre charge. Kwani kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Regardez. Mongari. Prenez Philippiens, c'est bien dit là-bas. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. C'est-à-dire, les autres sont comment? Macho, tu regardes, tu es plus supérieur. Ne faites rien. Tout ce que vous voulez faire, qu'il n'y ait pas ce motif-là. Vous êtes là. Tout ce que vous voulez faire dans votre vie, observez le motif et l'objectif que Shabbat. Ça ne soit pas chercher à regarder à gauche, à droite. Tu veux construire une maison. Ne regarde pas. Dans cette maison, il y a combien qui ont déjà construit? Alors, comme moi, je vais construire là, il faut que ceux qui sont un peu au-dessus de moi, qui soient comme en bas, moi, ils soient un peu. On attaque où ça, motoka? Je paye les véhicules. On attaque où ça, salon? Je paye. On en garde un peu les manivaux. On a saigné un peu les manivaux. Je remarque d'abord leur fauteuil. Il dit Minaona. Alors, ma femme, nous allons prendre tel salon. Si tu bébé, il est. Nous allons prendre ça. Jou, il est. Parce que ça. Ikusa ya kwa pita. Ça ressemble de. Ça ressemble de. Ikusa ya kwa Jean-Claude. C'est pareil avec. Maintenant, si. Nous allons prendre. Pour que nous soyons un peu spécial. Bon ambarik. C'était l'esprit de. Ne faites rien par esprit de parti. Oh, yao. Jona Sakoujou. Ah. Il y a une bonne traduction. Attendez, j'ai trouvé ça sur Bible Semeur. Je crois que c'est là-bas. Bible Semeur. Pas la mine d'Akutina Souma Mina Chikasan. Quand j'ai dit, quand même, j'avais souri. C'est Philippiens. Hein? Oui. 2, verset 3. Pas Bible Semeur, c'est parole de vie. Parole de vie. Voilà, très bien. Parole de vie, allez chercher ça sur le net. C'est la version parole de vie. Version parole de vie. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Munashikia? Apana kufanya kintu. Ne faites rien. Juyawe kutokela mbele ya bantu bote. Na bantu banzo kukupika mikono. C'est l'esprit de Lucifer. C'est l'esprit de Lucifer. Quand j'ai lu ça, j'ai apprécié, je dis, ces traducteurs, vraiment, Dieu les inspirait. Mais, par contre, que faut-il faire? Et voyez, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous voulez attirer la gloire vers vous. C'est-à-dire, même quand tu veux payer des vêtements, tu veux assez que. Ou couiller. Que tu sois unique, que tu puisses faire souffrir les gens. Ou Shanghai, ou épater les gens. Pour faire épater les gens. Donc, Shanghai. Mais, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez, quand le Saint-Esprit commence à travailler dans un homme, il ne pense pas connaître ce que celui-ci te dépasse. Ni Dieu vous soukouma ou tout mique à travailler encore. Ou sans qu'on a ce que quelque chose. Pas de voir que tu es quelque chose. Ce sont des esprits de l'âge. Et Dieu connaissant cela, ce serment a été pris. L'amnésie spirituelle, et tu ne le sais pas, c'est pour nous aider, nous, l'épouse, à fuir l'influence de ces esprits-là. Sont des esprits, frères. Même toi, prédicateur, pasteur, diacre, choriste ou qui que ce soit, tout ce que vous voulez faire, arrêtez-vous d'abord pour vérifier le motif et l'objectif. Vous n'êtes pas à coucher au coucou na chaise mukanisa. Danser dans l'église. Dieu qui sait voir le cœur, ce n'est pas pour sa gloire. Tu danses pour attirer la gloire vers toi-même. Mais quand les pasteurs et nous autres nous regardent, on applaudit. Nous regardons pour nous, tu es spirituel. Mais toi-même là, vous savez, quand Satan déclenche quelque chose dans le cœur, elle est tellement moindre que même toi-même, tu ne sais pas remarquer que c'est Satan qui me pousse à faire ça. La Bible a appelé ça un zèle amer. Bidi ya mubaya sana. Si bien que même toi-même, la personne en qui ce zèle agit, tu ne comprends pas et tu ne sais pas que tu es déjà sous l'influence des démons. Jacob. Jacques chapitre 3. Yakubu sura ya 3. Jacques chapitre 3, Yakubu, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Ni nani katika tienu wa ekima na wakili. Ni frère kani, ni sœur kani. Eko akili na eko wa ekima. Intelligent et sage. Aoneshe bitendo byake kwa mwenendo moya ya upole ndani ya ekima. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous savez, le zèle amer, c'est quoi? Puisse voir que c'est moi qui l'ai fait. Voir que c'est moi qui travaille. C'est vrai, tu es zélé. Mais ton zèle est comment? La Bible l'appelle un zèle amer. Pasteur Aone. Le pasteur puisse remarquer. Pasteur Ajoué. Le pasteur puisse savoir. Badiacre Baone. Le diacre puisse voir. Badiacre Bajoué. Ils savent que. Mukanisa Baone. Qu'on puisse savoir que. C'est bien, nous allons voir. Qui est tout à haut, mais le juge suprême, mais la kin, quand lui te regarde, Kongaria, il disait la main. Cherche à apparaître. Cherche qu'il soit apprécié, soit vanté, qu'on puisse acclamer, qu'il soit vraiment remarquable. Pourquoi nous attaquons ces choses-là? C'est l'âge de l'esprit de védétariat. Amen. C'est cet âge ici. Tu ne fais pas attention, ancien ou qui que ce soit, cela te saisit. Dieu peut t'avoir donné un bon don, mais ce don-là, comprends que n'est pas tien. C'est un don de Dieu. Mais si tu prends tu fais du don de Dieu, quelque chose qui va attirer la gloire sur toi. Oh, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ah, aligner les malades. Vous allez voir aujourd'hui. Préparez l'eau qu'on va baptiser. Et c'est toi qui changes les gens. Frère. Nous. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont croire aujourd'hui. Toi, tu es convertisseur, alors? Oui, tu es un peu plus de temps, mais tu es un peu. Bon embarique. Que le Seigneur bénisse. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, c'est vraiment un esprit. Il y a les opinions des autres. C'est pas ce que toi tu dis que c'est la vérité. Toi tu vois les choses de la bonne façon. C'est ce que toi tu vas dire, c'est ce qui est correct. C'est ce que toi, ta volonté, c'est ce qui est correct. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donc la vérité a sa façon de voir les choses. Et toi, tu as la tienne. Amen. Tu as la tienne. Et tu ne le sais pas. C'est très dangereux. Quand quelqu'un perd la mémoire, perd la conscience, frère, il avance, ne sachant pas qu'il est déjà perdu, ne sachant pas qu'il est sur la mauvaise voie. Verset 15. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut. Il aime t'habiller à ville. C'est tel comportement. Bidi Njubakone. Amer pour apparaître. Pour que les gens parlent. C'est vrai, nous allons parler. Mais c'est lui qui doit récompenser ses dieux. Alors tu ne vas pas en tirer profit. Kumbi, alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous devons que Dieu puisse nous donner son approbation et qu'il puisse nous récompenser. Même si les gens ne remarquent pas, mais moi, je dois le faire dans les secrets. Ne soyez pas des vedettes, frère. Il y a un petit témoignage, une histoire que je connais. J'avais vécu ça à Kinshasa. Je suis arrivé à Mama Emu. Ma belle, ma défunte belle-sœur était décédée. Nani, la grande sœur de ma femme. On a passé la nuit là-bas. Comme elle faisait de fortes fièvres, j'ai échangé avec un infirmier qui était à la réanimation. Je lui dis, comment une grande structure de l'État comme ça, l'hôpital, vous n'avez ni chaise roulante, pas de brancard, même les petits lits, vraiment, sont des grabats. Il me dit, mon frère, les peu que tu vois ici, ce sont les deux filles d'un grand chanteur qui est décédé, Papa Wemba, que les deux filles-là vivent en France. Et nous ont fait ce cadeau. Un de leurs oncles était hospitalisé. Et elles étaient en vacances. Elles sont venues voir. Quand elles ont vu l'état lamentable, elles ont dit non, mais ces choses ici, on peut vous les trouver pour rien en Europe. Et le monsieur me dit, je pensais qu'elle les racontait seulement. Avant de partir, elle m'a dit, ça va. Nous allons faire une surprise. Elles sont allées en Europe. Frère, Elles sont allées dans de grands centres hospitaliers. Mais non, ma centre à Europe. Chaises roulantes, banabapatia. Blancard, banabapa. Beki, banabapa. Banayasa, deux conteneurs. Ils ont rempli ma conteneur Mbiri. Le conteneur soit arrivé à qui? Ma conteneur fait au Kishasa. Papa, on va aller à la télé. Il me dit, tu n'as jamais vu du cinéma ici. Et les deux filles, avant de partir, avaient pris le numéro de... Le chef infirmier, vous l'appelez comment? IT, voilà, directeur de nursing. Nursing, oui. Ils l'ont appelé. Maramuita. Les deux conteneurs sont à Matadi. Il est ma conteneur à Matadi. Je crois, nous allons même nous arranger pour payer les transports de Matadi jusqu'à Kinshasa. Si je ne sais pas, il est fait à Matadi jusqu'à Kinshasa. Et on va déléguer quelqu'un pour vous les déposer. Pendant que ces gens-là attendaient, ils voient leur papa qui arrive. Papa Oemba, tukele, baba, voulant faire d'un don et une affaire à lui. Mambo et les gens ont applaudi. Nabantu, pika mikono. Oh, le kourou! Oh, kourou. Diabongo. Et c'était faux. Et les gens qui ont envoyé ne voulaient même pas apparaître. Et c'est l'esprit de l'âge. Dieu t'a fait un petit don. Peut-être tu as prié pour quelqu'un qui est guéri. Peut-être tu as reçu une bonne inspiration. Peut-être tu as fait un bon geste à l'égard de la sœur ou du frère. C'est fini. Tu veux monter sur la toiture et que les gens te voient. Tu ne comprends rien? Verset 16 et 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est comment? Elle est terrestre. Charnelle. Et? Voyez d'où ça vient. C'est diabolique. Si toi tu es parmi nous, tu ne sais pas ce que tu fais là, que c'est diabolique. Et tu ne le sais pas. Non, mais maintenant tu dois comprendre. Et non, t'es là. Parce que ce message est fungulé en mémoire. Et non, fungulé à qui ça. Et toi-même, tu dois regarder. Donc, même quand je chante, tout ce que je fais ici, l'Esprit de Dieu me connaît. Tout ce que je fais, c'est vraiment remarquable que les gens puissent vanter. C'est Satan. C'est le diable. C'est Satan. Le Shétan. Verset 16. Car là où il y a un seul amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Je parle de ton nom de Christ. Tu vas remarquer que même ta chrétienté est fausse. Ce n'est pas une chrétienté biblique. Je parle automne. Et c'est pourquoi tu remarques que tu apparais comme spirituel, mais lorsque on te piétine un tout petit peu, c'est Satan qui parle. Ah, ni Satan ni tout le monde n'a pas parlé. Dans de petites choses, c'est fini. Tu exploses. Uku na pasuka. Et les gens s'étonnent. Et se demandent est-ce que Njoye. Et c'est lui ou ce n'est pas lui. Et pourtant, tu apparais, vraiment spirituel. Kama una wakiro, si tu n'es pas spirituel, ne te fais pas spirituel. Acha Mungu, laissez Dieu wakiro. Te rendre na kama spirituel. Wakiro, et lorsque tu redeviens, tu verras que tu chercheras toujours à te cacher. Nyuma. Tu vas commencer à te retirer. Tu veux faire avancer les autres, que les autres passent devant. Regardez notre père Abraham. Regardez Abraham. Comme il était spirituel, il savait que lui, il a Dieu. Il dit à l'autre, Toi, choisis le premier. Si tu vas ici, moi j'irai ici. Si tu vas là-bas, moi j'irai ici. Il savait que moi j'ai Dieu. Là où j'irai, Dieu m'accompagnera. Munisikie, munona, hivi na hivi. Hata mwe benyewe. Même vous-même. C'est un zèle amen. Et zèle amen, c'est Satan. C'est Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons par là. Le Seigneur voulant, nous allons continuer demain. Le pasteur a salué toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Conducteur, tu te mets comme un bon moment. Ça va, frère?